بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Oh, vous qui avez cru, honorez vos engagements. La chair du bétail vous est permise, hormis celle qui vous sera citée comme défendue. Et il ne vous est pas permis non plus de chasser quand vous êtes en état de sacralisation. Irlam. Allah, certes, décrète ce qu'il veut. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Oh, vous qui avez cru, ne profanez point les rites d'Allah pendant le pèlerinage. Pas plus que vous ne devez profaner le mois sacré, ni négliger les bêtes consacrées à l'immolation, ni encore les colliers que vous devez leur mettre pour les distinguer des autres bêtes, ni vous attaquer à ceux qui se rendent à la maison sacrée, espérant une faveur de leur Seigneur et un agrément. Une fois sortis de l'état de sacralisation, vous pourrez alors chasser. Et ne laissez pas l'éveil rancune envers ceux qui vous barrent la route de la mosquée sacrée vous conduire à l'agression. Aidez-vous les uns les autres à faire le bien et à avoir la piété. Et ne vous aidez pas à pécher et à agresser. Et craignez Allah, car Allah a le châtiment très dur. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Il vous est défendu de consommer la chair de la bête morte, le sang, la viande de porc et tout ce qui a été égorgé sous l'invocation d'un autre nom que celui d'Allah. La bête tranglée ou étouffée, frappée à mort, morte d'une chute ou d'un coup de corne. La bête dévorée par un fauve, à moins que celle-ci n'ait déjà été égorgée. Il vous est également défendu de consommer la chair de la bête immolée sur les autels, des idolâtres, et de consulter le sort au moyen de flèches divinatoires. Voilà qui est vraiment pervers. Aujourd'hui, ceux qui ont mécru désespèrent de vous voir abjurer votre religion. Ne les craignez donc pas, et craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai mené votre religion à son point d'accomplissement. Je vous ai comblé de ma grâce tout entière, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Quiconque cependant se trouve contraint, en temps de famine, et sans l'intention de pécher, de consommer de ces aliments défendus, doit savoir qu'Allah est absoluteur et tout miséricordieux. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Il te demande ce qui leur est permis. Dis, vous sont permises les nourritures bonnes et pures, ainsi que le gibier attrapé par les animaux de chasse que vous avez dressés selon les enseignements d'Allah. Mangez de ce qu'ils attrapent pour vous, après que sur ce gibier vous aurez évoqué le nom d'Allah. Et craignez Allah, car Allah est prompt à dresser les comptes. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Aujourd'hui, vous sont permises les nourritures bonnes et pures. Est également licite pour vous la nourriture des gens du livre. Et la vôtre est tout aussi licite pour eux. Mais il vous est permis encore de prendre pour épouse les vertueuses parmi les croyantes, et les vertueuses parmi les gens qui ont reçu le livre avant vous, à condition que vous leur remettiez leur dot et que vous viviez avec elles en vertu d'un contrat de mariage régulier, non pas en dépravé ni en concubin. Et quiconque trahit sa foi, vaines seront ses œuvres. Et il sera dans l'autre monde au nombre des perdants. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Oh, vous qui avez cru. Quand vous vous levez pour aller à la salat, lavez-vous le visage, les mains jusqu'aux coudes, passez vos mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Si vous êtes en état d'impureté majeure, purifiez-vous entièrement le corps. Si vous êtes malade ou en voyage, si vous venez de satisfaire un besoin naturel, si vous venez d'avoir des rapports intimes avec les femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à de la terre propre et passez-vous-en sur le visage et les mains. Allah ne vous veut aucune gêne, mais veut vous purifier et vous combler de sa grâce. Peut-être serez-vous reconnaissant. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Souvenez-vous toujours de la grâce d'Allah envers vous et du pacte qu'il a conclu avec vous lorsque vous avez dit « Nous avons entendu et nous obéissons ». Et craignez Allah, car Allah sait parfaitement ce qu'il y a au fond des cœurs. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Oh, vous qui avez cru, soyez droits et loyaux dans la soumission due à Allah. Soyez des témoins en toute équité. Et que l'inimitié pour certaines gens ne vous conduise pas à être inéquitable. Soyez donc équitable, car cela est plus proche de la piété. Et criez à Allah, car Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah a promis à ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres un pardon et une très grande récompense. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Et ceux qui ont mécru et ont traité nos signes de mensonges, ceux-là sont les gens voués à la fournaise. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Oh, vous qui avez cru, souvenez-vous de la grâce d'Allah envers vous lorsque des gens ennemis s'apprêtaient à porter la main sur vous et qu'il a alors arrêté de mettre leurs mains. Craignez Allah. Et que les croyants ne se remettent qu'à Allah. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Allah prit un engagement sur les enfants d'Israël. Nous désignâmes parmi eux 12 chefs. Et Allah dit, je serai à vos côtés. Si vous accomplissez la salat, vous vous acquittez de la zakat, vous croyez en mes messagers, vous leur venez en aide, et vous faites à Allah un bon prêt. Je rachèterai vos méfaits, et vous ferez accéder à des jardins sous lesquels coulent les rivières. Alors, celui qui d'entre vous, après cela, mécroit, celui-là s'est égaré du chemin droit. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Parce qu'ils ont ensuite violé leur engagement, nous les avons maudits et avons endurci leur cœur. Ils altèrent le sens des paroles, et ils ont déjà oublié une partie de ce qui leur avait été rappelé. Et tu ne cesseras pas de découvrir leur félonie, à l'exception de quelques-uns d'entre eux en petit nombre. Pardonne-leur, sois indulgent. Allah aime les bienfaiteurs. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. Et nous avons de même pris un engagement sur ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur avait été rappelé. Nous avons alors semé entre eux l'hostilité et l'animosité jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera certes de ce qu'ils faisaient. « Ya ahl al-kitab, qad jaakum rasuluna yubayinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab. » يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Ô gens du livre, voici venu vers vous notre messager qui vous montre clairement de nombreuses choses du livre que vous gardiez cachées et passe d'autres sous silence. Il vous est venu d'Allah une lumière et un livre manifeste. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Par lequel Allah guide vers le chemin du salut ceux qui sollicitent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa permission et les oriente vers une voie droite. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Sont certes mécréants ceux qui ont dit qu'Allah est le Messie, fils de Marie. Dis-leur, qui donc pourrait empêcher Allah d'anéantir le Messie, fils de Marie et sa mère, ainsi que tous ceux qui sont sur terre? À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre, et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut, car Allah est de toutes choses infiniment capable. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Les juifs et les chrétiens disent, nous sommes les enfants d'Allah et ses bien-aimés. Dis, pourquoi vous châtie-t-il donc pour vos péchés? Vous n'êtes plutôt que des humains parmi ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Et à lui seul appartient la royauté des cieux et de la terre et tout ce qu'il y a entre les deux. Et c'est vers lui qu'elle veut venir. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Ô gens du livre, voici notre messager qui vient vers vous pour vous éclairer, après une longue période sans messager, et pour que vous ne disiez plus, il ne nous est pas venu d'annonciateur et d'avertisseur, Bachir, Nadir. Voilà donc, il vous est bien venu un annonciateur et avertisseur, et Allah est de toutes choses infiniment capable. Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, ô peuple mien, souvenez-vous de la grâce d'Allah envers vous. Il a élu parmi vous des prophètes, a fait de vous des rois et vous a donné ce qu'il n'avait donné à personne d'autre au monde. Ya qawmi dkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ô peuple mien, entrez donc en cette terre sainte qu'Allah vous a destinée. Ne tournez pas les talons devant l'ennemi, ou vous en reviendriez perdant. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Ils dirent, ô Moïse, il s'y trouve un peuple puissant et nous n'y entrerons pas avant que même n'en sortent. S'ils en sortent, nous y entrerons. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. Deux hommes, parmi ceux qui craignaient Allah et qu'Allah avait comblé de ses grâces, dirent, entrez chez eux en forçant la porte. Une fois entrés, vous serez les vainqueurs. Remettez-vous en Allah si vous êtes croyants. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Ils dirent, non Moïse, jamais nous n'y entrerons s'ils y sont toujours. Vas-y donc toi et ton Seigneur, combattez tous deux. Nous autres, nous resterons ici. Seigneur, dit Moïse, je n'ai d'autorité que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc de ces gens pervers. Allah répondit, elle, cette terre sainte, leur sera défendue pour 40 ans, durant lesquels ils erreront sur la terre. Ne t'afflige donc pas pour ces gens pervers. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Raconte-leur, en toute vérité, l'histoire des deux fils d'Adam lorsqu'ils firent une offrande. Elle fut acceptée de l'un et ne le fut point de l'autre. Ce dernier dit alors, je te tuerai. Le premier répondit, Allah n'accepte les offrandes que de la part des gens pieux. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Si tu portes la main sur moi pour me tuer, je ne porterai pas la mienne sur toi pour te tuer. Car moi, je crains Allah, Seigneur de l'univers. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Je veux que tu endosses le péché de mon meurtre et ton propre péché qui l'a précédé. Ainsi seras-tu parmi les hôtes du feu, et c'est là la rétribution des injustes. Son âme le persuada de tuer son frère, et il le tua. Il se retrouva ainsi du nombre des perdants. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment enfouir la dépouille de son frère. Il dit, malheur à moi, suis-je donc incapable d'être comme ce corbeau et d'enfouir le cadavre de mon frère ? Il se retrouva alors du nombre de ceux que ronge le remords. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. C'est pour cela que nous avons prescrit aux enfants d'Israël la loi que voici. Quiconque aura tué une personne sans que celle-ci n'ait commis un meurtre ou semé la corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et quiconque l'aura fait revivre, c'est comme s'il avait fait revivre l'humanité entière. Nos messagers leur ont apporté les preuves évidentes, et pourtant, beaucoup d'entre eux se laissent aller à leurs excès sur terre. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. La sanction de ceux qui font la guerre à Allah et à son messager, qui s'emploient à semer la corruption sur terre, est d'être eux-mêmes mis à mort ou crucifiés, d'avoir les mains et les pieds coupés par croisement ou d'être bannis du pays. Telle est l'infamie dont ils seront marqués en ce bas monde, et ils auront dans l'autre un terrible supplice. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Sauf ceux qui se seront repentis avant de se retrouver sous votre pouvoir. Sachez donc qu'Allah est absolutaire et tout miséricordieux. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Oh vous qui avez cru, craignez Allah, qui est la voie qui vous ramène vers lui. Combattez pour sa cause. Peut-être réussirez-vous. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Ceux qui ont mécru, même s'ils avaient en possession tout ce qui est sur terre, et encore autant, pour le payer en rançon et se racheter du supplice du jour de la résurrection, tout cela ne serait point accepté de leur part. Et ils auront un supplice très douloureux. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Ils voudront alors sortir du feu, mais ils n'en sortiront pas. Et pour eux, il y aura un supplice constant. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Le voleur et la voleuse, coupez-leur donc la main en juste sanction de ce qu'ils auront commis, et comme châtiment d'Allah, car Allah est tout puissant et sage. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. Celui qui, après avoir commis le tort qui est le sien, se repent et se corrige, Allah accepte son repentir. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Ne sais-tu pas qu'Allah a la royauté des cieux et de la terre? Il soumet au supplice qu'il veut, et il pardonne à qui il veut. Et Allah est de toutes choses infiniment capable. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Ô messager, ne sois point affligé par ceux qui se hâtent vers la mécréance, parmi ceux qui se disent croyants par la bouche et n'ont jamais cru par le cœur, ni ceux qui, s'étant judaïsés, écoutent attentivement le mensonge et aiment tendre l'oreille à d'autres gens qui ne sont jamais venus vers toi. Ils altèrent le sens des mots déjà établis et disent « Si vous avez reçu ceci, prenez-le, et si vous ne l'avez pas reçu, méfiez-vous-en. Celui qu'Allah veut soumettre à l'épreuve du désarroi, tu ne pourras rien pour lui. Ceux dont Allah n'entend pas purifier les cœurs seront marqués d'infamie dans ce bas monde et auront dans l'autre un terrible supplice. » فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. Ils prêtent une oreille attentive aux mensonges et sont âpres aux gains illicites. S'ils viennent à toi, sois leur juge ou détourne-toi d'eux. Mais si tu te détournes d'eux, ils ne te nuiront en rien. Mais si tu décides de juger, alors juge entre eux avec équité. Car Allah aime les équitables. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Et comment donc te prendraient-ils pour juge alors qu'ils ont la Torah où se trouve le jugement d'Allah? Puis après cela, ils désavouent ton jugement. Ceux-là ne sont donc pas des croyants. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Nous avons fait descendre en révélation la Torah, où se trouve une orientation juste, Huda, et une lumière, par laquelle les prophètes soumis à la volonté d'Allah, les connaisseurs des choses divines et les docteurs de la loi, jugent pour les juifs. Car leur fut confiée la garde du livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les hommes, et craignez-moi. Et n'échangez pas mes signes contre peu. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre en révélation, ceux-là sont les mécréants. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Nous leur y avons prescrit vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Aux blessures s'applique la loi du talion. Quiconque par charité y renonce au talion aura gagné un rachat de ses péchés, kafara. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les injustes. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Nous avons après eux envoyé Jésus, fils de Marie, qui est venu confirmer ce qu'il y avait avant lui dans la Torah. Nous lui avons donné l'évangile, contenant une orientation juste, Huda, et une lumière, confirmant encore ce qu'il y avait avant lui dans la Torah, comme guide pour les gens pieux et comme bonne exhortation. Tous les tenants de l'évangile jugent donc d'après ce qu'Allah y a fait descendre en révélation. Car ceux qui ne jugent pas conformément à ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les pervers. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Nous avons fait descendre en révélation vers toi le livre en toute vérité, qui confirme et surpasse les écritures antérieures. Juge donc entre eux d'après ce qu'Allah a fait descendre en révélation, et ne suis pas leur désir pour ne pas t'éloigner de ce qui t'est venu comme vérité. À chacun d'entre vous, nous avons assigné une loi et dicté une méthode de conduite à suivre. Et si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule nation. Mais il a voulu vous éprouver par les dons qu'il vous a prodigués. Hâtez-vous donc vers les bonnes œuvres avec émulation. C'est vers Allah que sera votre retour à tous. Il vous révélera ce à propos de quoi vous aviez des divergences. أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Juge donc entre eux d'après ce qu'Allah a fait descendre en révélation. Ne suis pas leur désir et méfie-toi qu'ils ne te distraient d'une partie de ce qu'Allah a révélé. Et s'ils tournent le dos à ton jugement, sache alors qu'Allah veut les châtier pour certains de leurs péchés. Bon nombre d'hommes sont en effet pervers. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Serait-ce donc le jugement de l'ère pré-islamique qu'ils souhaitent ? Est-il meilleur juge qu'Allah pour des gens fermes dans leur foi ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Oh vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, ils sont eux-mêmes alliés les uns des autres. Celui qui parmi vous aura fait de ses alliés deviendra l'un des leurs. Allah, ne dites pas les gens injustes. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Tu verras ceux qui ont le cœur malade à courir vers eux en disant « Nous craignons vraiment que la fortune ne se retourne contre nous. » Mais il est toujours possible qu'Allah donne la victoire aux croyants ou décrète un nouvel ordre de sa part. Et là, ils regretteront ce qu'ils avaient pensé dans le secret du cœur. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Et ceux qui ont cru diront, sont-ce-là ceux qui juraient par Allah et de toute leur force qu'ils étaient avec vous. Vaines sont à présent leurs œuvres et ils sont devenus perdants. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Oh vous qui avez cru, si parmi vous certains apostasient leur religion, Allah fera venir des hommes qu'il aimera et qu'il aimeront, humbles devant les croyants, féroces contre les mécréants. Ils lutteront pour la cause d'Allah et ne craindront nulle récrimination d'aucun récriminateur. Telle est la faveur d'Allah, qu'il accorde à qui il veut, car Allah est vaste et omniscient. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Vos seuls alliés sont certes Allah, son messager et ceux qui, ayant cru, observent la salat et s'acquittent de la zakat tout en s'inclinant devant Allah. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Ceux qui prennent pour allié Allah, son messager et les croyants, ce sont eux le parti d'Allah et ils seront vainqueurs. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Oh vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés ceux qui tournent votre religion en dérision et s'en jouent parmi les gens qui ont reçu les Écritures avant vous et parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes croyants. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Et quand vous appelez à la salat, ils s'en moquent et s'en jouent, car ce sont des gens dépourvus de raisonnement. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا من قبل وأن أكثركم فاسقون. Dis, ô gens du livre, que nous reprochez-vous donc, sinon d'avoir cru en Allah, à ce qui est descendu en révélation vers nous et qui est déjà descendu auparavant ? La plupart d'entre vous sont certes des pervers. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Dis, vous révélerai-je donc pire que cela comme sanction auprès d'Allah ? Ceux que maudit Allah et qui subissent sa colère, ceux qui l'a changé en singe et en porc, et ceux qui adorent les fausses divinités, le tarot, ceux-là seront dans les pires positions et s'égareront le plus du droit chemin. Et lorsqu'ils viennent vous trouver, ils disent : Nous avons cru. Mais ils sont en vérité entrés en mécréant et sortis en mécréant. Et Allah en sait mieux sur ce qu'ils taisaient. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. Tu verras plusieurs d'entre eux accourir vers le péché et l'agression et se gaver de biens illicites. Quelles horribles œuvres que les leurs. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Si seulement les connaisseurs des choses divines et les docteurs de la loi leur défendaient de débiter des mensonges et de se rassasier de gains illicites, quelles horribles actions que les leurs. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Les Juifs ont dit, la main d'Allah est liée. Que soient liées leurs mains, et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont osé dire. Plutôt ses mains sont infiniment ouvertes, et il dispense ses bienfaits comme il veut. Ce qui peut fut révélé de la part de ton Seigneur ajoutera certes beaucoup à leur insoumission et à leur mécréance. Nous avons semé parmi eux l'animosité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Chaque fois qu'ils allument un feu de guerre, Allah l'éteint. Et ils s'emploient à répandre la corruption sur terre, mais Allah n'aime pas les corrupteurs. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Si les gens du livre avaient cru et avaient craint Allah, nous aurions racheté leurs péchés et nous les aurions reçus dans les jardins des délices. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Et s'ils avaient appliqué à la lettre la Torah, l'Évangile et ce qui leur a été révélé de leur Seigneur, ils auraient joui pleinement de tous les biens qui les entourent. Il y a certes parmi eux ceux qui sont droits, et d'autres qui, au contraire, agissent tellement mal. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Ô messager, transmets donc ce qui est descendu vers toi de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras point transmis son message. Allah te préservera des hommes, et Allah ne guidera point les hommes mécréants. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Dis, ô gens du livre, vous ne vous fondez sur rien tant que vous n'appliquez pas à la lettre la Torah, l'Évangile et ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Et ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur ajoutera certes beaucoup à leur insoumission et à leur mécréance. Ne t'afflige donc pas pour un peuple de mécréants. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les sabéens et les nazaréens, les chrétiens, quiconque a cru en Allah et au jour dernier et a accompli les bonnes œuvres, ceux-là, il n'y aura aucune crainte pour eux et ils n'auront aucune affliction. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Nous avons pris un engagement sur les enfants d'Israël et leur avons envoyé des messagers. Or, chaque fois qu'un messager leur apportait ce qui ne leur plaisait point, ils traitaient certains de menteurs et tuaient les autres. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. Ils pensaient qu'il n'y aurait contre eux aucune sanction. Alors, ils se firent aveugles et sourds à la vérité. Puis, Allah accepta leur repentir. Mais bon nombre d'entre eux se firent à nouveau aveugles et sourds. Or Allah, lui, voit tout ce qu'ils font. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Ont certes mécru ceux qui ont dit Allah est le Messie, fils de Marie. Quand le Messie lui-même a dit, ô enfant d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Quiconque associe à Allah des émules, Allah lui interdira le paradis. Et son refuge sera le feu, car il n'y aura point de secours pour les injustes. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Ont certes mécru ceux qui ont dit Allah est le troisième d'une trinité, quand en réalité il n'y a point d'autre divinité que la divinité unique. Et s'ils ne mettent pas fin à ce qu'ils disent, alors atteindra les mécréants parmi eux un supplice très douloureux. Ne se repentiront-ils donc pas auprès d'Allah ? N'imploreront-ils pas son pardon ? Car Allah est certes absoluteur et tout miséricordieux. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. Le Messie, fils de Marie, n'est un messager que d'autres messagers ont précédé. Sa mère était du nombre des véridiques, et tous les deux mangeaient de la nourriture comme tous les êtres humains. Vois donc comment nous leur montrons clairement nos signes, et vois comment eux s'en détournent. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Dis, adorez-vous en dehors d'Allah ce qui ne détient le pouvoir ni de vous nuire ni de vous faire du bien. Allah, lui, entend tout et c'est lui l'omniscient. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Dis, ô gens du livre, ne soyez pas, en dépit de la vérité, excessifs dans votre religion. Ne suivez pas les penchants de certains peuples, qui se sont déjà égarés avant vous, ont égaré bon nombre d'hommes, et ont dévié du droit chemin. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, furent les mécréants parmi les enfants d'Israël. Ceux-là, en raison de leur rébellion et de leur transgression. Ils ne s'en joignaient pas de mettre fin à leurs actions éprouvées, Munkar. Combien abominable était ce qu'ils faisaient. Tu vois bon nombre d'entre eux se rallier aux mécréants. Quelle mauvaise option ils se sont dictés à eux-mêmes pour s'exposer à la colère d'Allah. Et dans le supplice, certes, ils seront éternellement plongés. Et s'ils croyaient en Allah, au prophète, et à ce qui lui a été révélé, ils n'en feraient pas leurs alliés, des mécréants. Mais bon nombre d'entre eux sont pervers. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Tu trouveras que les plus farouchement hostiles aux croyants sont les juifs et les associatres, et que ceux qui sont les plus portés à leur témoigner de l'amitié sont ceux qui disent nous sommes chrétiens, car ils comptent parmi eux des prêtres et des moines, et ils ne sont point hautains. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Et quand ils entendent lire ce qui a été révélé aux messagers, tu vois s'échapper de leurs yeux d'abondantes larmes pour avoir eu connaissance de la vérité. Ils disent Seigneur, nous avons cru. Inscris-nous alors parmi les témoins. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. Et pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et en la vérité qui nous est parvenue ? Et ne désirerions-nous pas que notre Seigneur nous admette au nombre des vertueux ? En récompense de ce qu'ils ont dit, Allah les admettra dans des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront éternellement. Telle est la rétribution des bienfaiteurs. Quant à ceux qui ont mécru et traité nos signes de mensonges, ceux-là sont les gens voués à la fournaise. Ya ayyuha alladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wa la ta'tadu. Inna Allaha la yuhibbu al-mu'tadin. Oh vous qui avez cru, ne tenez pas pour défendu les bonnes choses qu'Allah vous a permises. Ne transgressez donc pas, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Wa kulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiban wattaqu Allaha alladhi antum bihi mu'minun. Mangez de ce qu'Allah a dispensé pour vous de ses biens licites et purs. Et craignez Allah en qui vous croyez. La yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtum al-ayman fakaffaratuhu it'amu 'ashrata masakin min awsaq ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah faman lam yajid fa siyam 3 ayyam dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum. Ô Allah ne vous reprochera point les serments que vous aurez proférés inconsidérément, mais il vous reprochera les serments prononcés intentionnellement. Pour expier, kafala, un tel parjure, il vous faudra nourrir 10 pauvres de ce que normalement vous donnez vous-même à manger à vos proches, ou les habiller, ou encore affranchir un esclave. Si vous n'en avez pas les moyens, alors jeûnez 3 jours. Telle est l'expiation de vos serments lorsque vous vous êtes parjuré. Respectez vos serments. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ses signes. Peut-être serez-vous reconnaissant. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalish shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Oh, vous qui avez cru, le vin, les jeux de hasard, maisir, les stèles et les aruspices sont une abjection inspirée de Satan. Évitez-les donc, peut-être réussirez-vous. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Satan n'a d'autre objectif que celui de semer entre vous l'animosité et la haine par l'intermédiaire du vin et du jeu et de vous détourner du souvenir d'Allah et de la salat. Cesserez-vous donc de vous y adonner. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Obéissez à Allah, obéissez au messager et soyez sur vos gardes. Mais si vous vous rétractez par la suite, sachez qu'il n'appartient à notre messager que de transmettre clairement le message. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا. Il ne sera point fait grief à ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres pour avoir consommé les abstèmes, avant qu'ils n'aient eu la pitié et la foi, et n'aient accompli les bonnes œuvres, puis qui continuent à craindre Allah, et à croire en lui, puis ils le craignent encore, et font le bien. Car Allah aime ceux qui font le bien. Ya ayyuhalladhina amanu layabluwannakum allahu bishay'in minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum. Ô vous qui avez cru, Allah vous éprouvera en mettant du gibier à portée de vos mains et de vos lances. C'est ainsi qu'Allah saura qui le craint dans le secret du cœur. Celui qui par la suite enfreindra les ordres d'Allah sera voué à un supplice très douloureux. Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ. Oh, vous qui avez cru, ne tuez pas le gibier quand vous êtes en état de sacralisation. Ihram, quiconque parmi vous en aura tué, devra se racheter en faisant parvenir, comme offrande à la Kaaba, une tête de bétail de valeur analogue à la bête qu'il a tuée. Deux hommes équitables en jugeront. L'expiation peut aussi consister à nourrir des pauvres ou à observer un jeûne correspondant. Ainsi, le coupable pourra goûter aux conséquences honteuses de son action. Allah, cependant, a pardonné les transgressions qui relèvent du passé. Mais celui qui récidive, Allah se vengera de lui, car Allah est tout-puissant et il a fait sienne la vengeance. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Vous est permise la pêche et la nourriture que vous tirez de la mer, en jouissance pour vous comme pour les voyageurs. Mais la chasse vous est défendue tant que vous êtes en état de sacralisation. Ihram. Craignez donc Allah, vers qui vous serez tous ramenés en foule. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Allah a fait de la Kaaba maison sacrée, une station pour les hommes. Il a établi le mois sacré, les offrandes, ainsi que les colliers suspendus au cou des bêtes à immoler, pour que vous sachiez qu'Allah connaît ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, et qu'Allah sait parfaitement toutes choses. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Sachez qu'Allah a le châtiment très dur, et qu'Allah est absoluteur et tout miséricordieux. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Il n'appartient au messager que de transmettre, et Allah sait ce que vous révélez et ce que vous gardez secret. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Dis, le mauvais et le bon ne sauraient être pareils, même si le mauvais te plaît par son abondance. Alors, craignez Allah. Ô homme à l'esprit sagace, peut-être réussirez-vous. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Oh vous qui avez cru, ne posez pas de questions au sujet de choses qui, si elles vous étaient révélées, vous porteraient préjudice. Et si vous posez des questions à leur propos, lorsque le Coran est en cours de révélation, elles vous seront dévoilées. Allah vous les a déjà pardonnées. Allah est absoluteur et longanime. Des gens avant vous avaient posé ces questions, puis à cause d'elles, sont devenus mécréants. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Allah n'a rien ordonné à propos des chamelles, bahira ou saïba, ni de la brebis, wasila, ni encore du chameau étalon, ham. Ce sont les mécréants qui, sur le compte d'Allah, ont débité ces mensonges. Nombre d'entre eux sont dépourvus de raisonnement. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Quand il leur est dit, venez vers ce qu'Allah a révélé et vers son messager, ils répondent, ce que nous avons trouvé auprès de nos pères comme croyance nous suffit. Le disent-ils donc, même si leurs pères n'avaient aucune science et ne trouvaient pas leur voie vers le droit chemin. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Oh vous qui avez cru, vous n'avez la charge que de vous-même. Celui qui s'égare ne saura vous nuire si vous vous êtes engagé sur la bonne voie. Votre retour à tous sera vers Allah, qui vous informera de ce que vous faisiez. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Oh vous qui avez cru, quand quelqu'un de vous est à l'article de la mort, le testament sera établi par le témoignage de deux hommes équitables parmi vous. Sinon, celui de deux hommes qui ne sont pas des vôtres au cas où la mort vous surprendrait alors que vous êtes en voyage par le monde. Vous les retiendrez après la salate. Et si vous doutez d'eux, faites-leur prêter au nom d'Allah le serment que voici. Nous ne vendrons ce témoignage à aucun prix, serait-ce au profit d'un proche, et nous ne tairons point le témoignage d'Allah. Ou alors, nous serions du nombre des pécheurs. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. S'il est constaté que ces deux témoins ont failli à leur devoir, alors deux autres prendront leur place, parmi ceux qui auront découvert le manquement des deux premiers. Les deux prêteront au nom d'Allah ce serment. Notre témoignage est certes plus juste que le leur, et nous n'avons passé outre à aucun de nos devoirs, ou alors nous serions du nombre des injustes. C'est ainsi que les deux témoins seront conduits à donner le témoignage dans son aspect le plus fiable et craindront que d'autres serments ne viennent encore désavouer les leurs. Craignez Allah et écoutez. Allah ne guide point les gens pervers. Un jour viendra où Allah réunira les messagers et leur dira « Que vous a-t-il été répondu ?» Ils diront « Nous n'avons aucune connaissance, et c'est toi le suprême connaisseur des secrets insondables. » إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, souviens-toi de ma grâce, cette grâce dont je t'ai comblé et ai comblé ta mère, lorsque je t'ai appuyé par le Saint-Esprit. Depuis le berceau, tu parlais aux hommes ainsi qu'à l'âge adulte. Je t'ai enseigné l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Alors, tu façonnais d'argile comme une forme d'oiseau, puis tu soufflais dedans et elle devenait oiseau par ma permission. Tu guérissais l'aveugle-né et le lépreux par ma permission. Et toujours par ma permission, tu faisais revivre les morts. Souviens-toi aussi quand j'ai empêché les enfants d'Israël de t'inquiéter davantage, cependant que tu leur apportais les preuves évidentes, et que les mécréants parmi eux disaient « c'est manifestement de la magie pure ». Et quand je inspirais aux apôtres la révélation que voici, « ayez foi en moi et en mon messager », ils dirent « nous avons foi, alors sois témoin que nous te sommes soumis ». إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Un jour, les apôtres dirent, ô Jésus, fils de Marie, ton Seigneur peut-il du ciel faire descendre sur nous une table servie? Il répondit, craignez donc Allah si vous êtes croyant. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Il dit alors, nous voulons manger afin que nos cœurs soient rassurés. Nous serons ainsi que tu nous as dit la vérité et nous en serons parmi les témoins. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Oh Allah, notre Seigneur, dit alors Jésus, fils de Marie, fais donc descendre du ciel sur nous une table qui soit un banquet pour nous, pour le premier et le dernier d'entre nous, et qui soit également un signe de ta part. Et dispense-nous tes richesses, car tu es le meilleur dispensateur. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Soit, dit Allah, je la ferai descendre sur vous. Mais celui qui d'entre vous m'y croira encore, je le soumettrai à un supplice auquel je ne soumettrai personne au monde. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Et viendra le jour où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez-moi, ainsi que ma mère, comme deux divinités autres qu'Allah? Gloire te soit rendue, répondra-t-il. Ce n'est certes pas à moi de dire ce qui n'est pas de mon droit. Et d'ailleurs, l'aurais-je dit que tu l'aurais su tout de même. Car tu sais ce qui est en mon être, et je ne sais point ce qui est en ton être. C'est bien toi, le suprême connaisseur des secrets insondables. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhim. Je ne leur ai rien dit d'autre que ce que tu m'as ordonné de dire. Adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Tant que j'étais parmi eux, j'étais témoin contre eux. Puis quand tu m'eus rappelé vers toi, tu étais toi-même celui qui les observait attentivement. Car tu es de toutes choses témoin. Si tu les soumets au supplice, ce sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, tu es le Tout-Puissant, le Sage. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Allah dira alors, voici venu le jour où profiteront de leur sincérité les sincères. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les rivières. Là, ils séjourneront à jamais. Allah les aura agréés et ils l'auront agréé. Voilà le suprême succès. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. C'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux, de la terre et de ce qu'ils contiennent. Et il est de toutes choses infiniment capable.